Vous écoutez France Culture. Short stories and poems. Nouvelles et poèmes. By Raymond Carver. De Raymond Carver. Obèse. Je suis chez ma copine Rita. On boit le café, on fume, et je lui en parle. Voici ce que je lui raconte. C'est un mercredi, vers la fin d'une soirée plutôt calme, que Herb fait asseoir le gros type dans mon rang. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gros. Quoiqu'à part ça, il a l'air propre et il est assez bien sapé. Tout est démesuré en lui. Mais ce sont ses doigts surtout qui m'ont frappé. Quand je m'arrête à la table voisine pour prendre la commande du couple d'âge mûr, je les remarque aussitôt. Ils sont trois fois plus gros que ceux d'un individu ordinaire. Des doigts longs, épais, dodus. Je m'occupe de mes autres tables. J'ai un groupe de quatre hommes d'affaires très exigeants, une autre table de quatre, trois hommes et une femme, et ce vieux couple. Leander a versé de l'eau dans le verre du gros, et je lui laisse tout le temps de se décider avant de m'approcher. « Bonsoir, monsieur, » je lui dis. « Vous avez choisi ?» je lui dis. « Qu'est-ce qu'il était gros, Rita ?»« Bonsoir, » qui me répond. « Oui, ma foi, » qui me dit. « Nous sommes prêts à commander à présent, » qui me dit. Il s'exprime de cette manière, tu vois, bizarre. Et de temps à autre, il souffle un petit coup. « Je pense que nous commencerons par une salade César, » qui me dit. « Puis un potage, avec du pain et du beurre en supplément, s'il vous plaît. Ensuite, les côtes d'agneau, je crois bien. Et une pomme de terre au four avec de la crème aigre. Pour le dessert, nous verrons tout à l'heure. « Merci beaucoup, » qui me dit en me tendant la carte. Il avait ses doigts, Rita. Je fonce à la cuisine et je passe la commande à Rudy, qui la prend avec une grimace. « Tu le connais, Rudy. Il est comme ça quand il boulonne. » Au moment où je ressors de la cuisine, Margot, je t'ai parlé de Margot, celle qui fait du gringue à Rudy. Margot me dit « C'est qui ton copain le gros? Quel poussa !» Bon, ça a joué aussi, évidemment. Ouais, ça a joué, j'en suis sûre. Je prépare la salade César à sa table et il suit mes gestes des yeux tout en se beurrant des tranches de pain qu'il dispose à côté de son assiette en soufflant continuellement. Et moi, j'ai tellement les nerfs en pelote que je renverse son verre d'eau. « Oh, excusez-moi, » je lui dis. « Voilà ce qui arrive quand on se presse trop. Je suis désolée, » je lui dis. « Vous n'avez pas de mal ?»« Je vous envoie le garçon pour qu'il vous nettoie ça, » je lui dis. « C'est rien du tout, » qui me dit. « Il n'y a pas de mal, » qui me dit. Et il souffle. « Vous en faites pas pour ça, on en a vu d'autres, » qui me dit. Il m'adresse un sourire et un petit signe de la main, tandis que je pars chercher Leander. Et quand je reviens pour lui servir sa salade, je m'aperçois qu'il a avalé tout son pain beurré. Un peu plus tard, quand je lui ramène du pain, il a terminé sa salade. Tu sais quelle taille ça a, une salade César ? Vous êtes bien aimable, qui me dit. Ce pain est succulent, qui me dit. Merci, je dis. Si, si, il est très bon, qui me dit, sincèrement. C'est rare que nous ayons la joie de déguster du si bon pain, qui me dit. Vous êtes d'où, je lui demande. Je ne crois pas vous avoir jamais vu, je lui dis. C'est pas le genre de type qu'on oublierait, glisse Rita en ricanant. De Denver, il répond. Je ne m'étends pas plus que ça sur ce chapitre, et pourtant ça m'intrigue. Votre potage sera là dans une minute, monsieur, je lui dis. Et là-dessus, je m'en vais mettre la dernière main à ma table de quatre hommes d'affaires très exigeants. Quand je lui amène son potage, je vois que son pain s'est à nouveau volatilisé. Il est en train de s'enfourrer le dernier morceau dans la bouche. « Croyez-moi, » qui me dit, « c'est pas tous les jours qu'on se régale comme ça, » qui me dit. « Ne nous en veuillez pas, » qui me dit. « Oh, pensez-vous, voyons, » je lui dis. « Ça fait plaisir de voir quelqu'un manger d'aussi bon cœur, » je lui dis. Je sais pas, qui me dit. Ça doit être le mot qui me dit. Il arrange sa serviette et il empoigne sa cuillère. Bon Dieu qu'il est gros, fait Leander. Il y peut rien, alors boucle-la, je lui dis. Je pose devant lui une autre corbeille de pain et un supplément de beurre. Le potage vous a plu, je lui demande. Il était très bon, merci, qui me dit. Excellent, il ajoute. Il s'essuie les lèvres, se tamponne délicatement le menton. Est-ce qu'il fait chaud ici ou c'est moi qui me dis ? Non, il fait chaud, c'est vrai, je lui dis. Peut-être bien qu'on va tomber la veste, qui me dit. Mais faites donc, je lui dis. On a bien le droit de prendre ses aises, je lui dis. Oui, c'est vrai, qui me dit. Vous avez tout à fait raison, qui me dit. Mais un peu plus tard, je constate qu'il a toujours son veston. Mes deux tables de quatre sont parties à présent. Le vieux couple s'en va aussi. La salle se vide peu à peu. Quand je lui sers ses côtes d'agneau et sa pomme de terre au four, accompagnée d'un supplément de pain et de beurre, il est l'unique client qui reste. Je verse plein de crème aigre sur sa pomme de terre. Je saupoudre la crème aigre de petits dés de bacon et de ciboulette hachée. Je lui rapporte du pain et du beurre. « Vous avez tout ce qu'il vous faut ?» je lui demande. « Tout va très bien, » qui me dit. Et il souffle. « C'est parfait, merci, » qui me dit. Et il ressouffle. « Bon appétit, » je lui dis. Je soulève le couvercle de son sucrier et j'en inspecte le contenu. Il hoche la tête et me fixe des yeux jusqu'à ce que je me décide à m'éloigner. Je cherchais quelque chose, j'en suis sûre à présent. Mais quoi, ça, j'en sais rien. Comment il va, Gradubide ? Il va t'user les jambes à force, me dit Ariette. Tu connais Ariette ? Comme dessert, je dis au gros, il y a le gâteau du chef. C'est un pudding avec de la sauce anglaise, ou alors du cheesecake, de la glace à la vanille ou du sorbet à l'ananas. Nous ne vous retardons pas, au moins, qui me dit en soufflant, d'un air préoccupé. Mais pas du tout, je lui dis. Bien sûr que non, je lui dis. Prenez tout votre temps, je lui dis. Je vais vous chercher du café pendant que vous réfléchissez. On va être franc avec vous, qui me dit en se tortillant sur son siège. On voudrait bien le gâteau du chef, mais on prendra peut-être aussi une glace à la vanille. Avec une larme de sirop au chocolat, s'il vous plaît. On vous avait dit qu'on avait faim, qui me dit. Je vais à la cuisine pour lui préparer son dessert moi-même, et Rudy me fait. Ariette prétend que t'as un phénomène de foire à une de tes tables, l'homme le plus gros du monde, c'est vrai ? Rudy a ôté son tablier et sa toque à présent, alors tu vois. Il est gros, Rudy, je lui dis. Mais il n'y a pas que ça. Ça le fait marrer, Rudy. À ce qu'on dirait, elle a un faible pour le gras double qui fait. Tu ferais bien de la tenir à l'œil, Rudy, dit Johan qui arrive dans la cuisine à cet instant précis. Je sens que je deviens jaloux, lui dit Rudy. Je dépose devant le gros une portion de gâteau du chef, ainsi qu'une grande coupe de glace à la vanille et un petit pot de sirop au chocolat. Merci bien, qui me dit. Il n'y a pas de quoi, je lui dis. Et là, une émotion me prend. Croyez-le ou non, on n'a pas toujours mangé comme ça, qui me dit. Moi, je mange et ça me profite pas, je lui dis. J'aimerais bien grossir, je lui dis. Non, qui me dit. Si on pouvait choisir, ce serait non. Mais on n'a pas le choix. Là-dessus, il prend sa cuillère et il mange. Et alors ? Fait Rita en allumant une de mes cigarettes et en rapprochant sa chaise de la table. Elle devient intéressante, ton histoire, dit Rita. C'est tout ? Ça s'arrête là. Il finit son dessert. Ensuite, il s'en va et on rentre à la maison, Rudy et moi. Quelle poussa, dit Rudy en s'étirant comme il fait quand il est fatigué. Ensuite, il rit et il se remet à regarder la télé. Je mets l'eau à bouillir pour le thé et je vais me doucher. Je me pose une main sur le ventre et je me demande ce qui arriverait si j'avais des gosses et si l'un d'eux devenait aussi obèse que ça. Je verse l'eau dans la théière, je dispose les tasses, le sucrier et le berlingot de crème sur le plateau et je l'apporte à Rudy. Comme s'il y avait réfléchi, Rudy me dit « J'ai connu un gros dans le temps, et même deux gars vraiment très gros quand j'étais môme. Ils avaient de ces bides. Oh, bon Dieu! Je me souviens pas de leur nom. Il y en avait un, on l'appelait jamais autrement que Gros. Gros, c'est le nom qu'on donnait à ce gamin qui habitait à côté de chez moi. Ouais, c'était mon voisin. L'autre n'est arrivé que plus tard. Son nom à lui, c'était Bouboule. Tout le monde l'appelait comme ça, sauf les profs. Bouboule et le Gros. Dommage que j'ai pas leur photo, dit Rudy. Comme je ne trouve rien à lui dire, on boit notre thé et je tarde pas à me lever pour aller au lit. Rudy se lève aussi, éteint la télé, ferme la porte à double tour et commence à se déboutonner. Je me mets au lit, je me serre tout contre le bord et je m'allonge sur le ventre. Mais aussitôt après avoir éteint la lumière et s'être glissé dans les draps, Rudy m'entreprend. Je me retourne sur le dos et je me laisse un peu aller. Mais c'est contre mon gré. Et c'est là que ça se produit. Quand il se met sur moi, j'ai tout à coup l'impression d'être très grosse. Formidablement grosse. Si grosse que Rudy n'est plus qu'une chose minuscule et insignifiante. C'est marrant ton histoire, dit Rita. Mais je vois bien qu'elle ne sait pas trop quoi en penser. Je me sens abattue, mais je lui en parlerai pas. Je lui en ai déjà trop dit. Elle est assise là et elle attend, en se tapotant les cheveux du bout des doigts. Elle attend quoi? Ça, je voudrais bien le savoir. On est en août. Je sens que ma vie va changer. Sunbather, to herself. Ce que se dit une femme pendant son bain de soleil. Une espèce d'inertie vague. Des clapotis plein le crâne, le cœur et les doigts, toutes les extrémités, luisent sous ta caresse indifférente. Vieux soleil, mon époux, inonde-moi. Sois brutal avec moi. Donne-moi la force de lutter contre l'autre salaud. The sunbather, to herself. A kind of airy dullness. Head is a puddle. Heart and fingers, all extremities, glow under your indifferent touch. Now, old son, husband, pour into me. Be rough with me. Strengthen me against that other, that bastard. En voilà une idée. On avait fini de dîner, et cela faisait une heure que j'étais assise à la table de la cuisine, dans le noir, à le guetter. S'il devait le faire ce soir, il était temps. Plus que temps, même. Cela faisait 3 soirs que je ne l'avais pas vu. Mais ce soir, le store de la chambre à coucher était levé et il y avait de la lumière. Ce soir, j'avais un pressentiment. Et puis, je l'ai aperçu. Il a poussé la porte à treillis et il est sorti sur son porche de derrière. Vêtu d'un tricot de corps et de quelque chose qui avait l'air d'un bermuda ou d'un maillot de bain. Il a jeté un regard autour de lui, il a bondi dans l'ombre du haut du porche et il s'est mis à avancer le long du flanc de la maison. Il allait vite. Si je n'avais pas été aux aguets, je ne l'aurais pas vu. Il s'est arrêté devant la fenêtre éclairée et il a regardé à l'intérieur. « Verne !» ai-je crié. « Viens vite, Verne, il est sorti. Dépêche-toi, je te dis !» Verne était dans le living, occupé à lire son journal devant la télé allumée. Je l'ai entendu jeter le journal. Fais gaffe qu'il ne te voit pas, m'a dit Verne. Ne t'approche pas trop de la fenêtre. C'est ce qu'il dit toujours, Verne. Ne t'approche pas trop. Je crois qu'il a un peu honte de faire le voyeur. Mais je sais qu'il y prend plaisir. Il me l'a dit. Il ne peut pas nous voir dans l'obscurité. C'est ce que je dis à chaque fois. Il y a 3 mois que ça dure. Depuis le 3 septembre, pour être exact. En tout cas, c'est ce soir-là que je l'ai vu dehors pour la première fois. J'ignore depuis combien de temps il faisait ça avant cette date. Ce soir-là, il s'en est fallu d'un cheveu que je n'appelle le shérif. Je l'ai reconnu juste à temps. Il a fallu que ce soit Verne qui m'explique. Et même là, ça n'a pas pénétré tout de suite. Mais depuis, je n'ai pas cessé de l'observer et je peux vous dire qu'il fait ça en moyenne 1 nuit sur 3, quelquefois plus. Il m'est arrivé de le voir dehors sous la pluie. En fait, les soirs de pluie, il y a gros à parier qui sortira. Mais ce soir, le vent soufflait, il faisait clair et la lune brillait. On s'est agenouillé derrière la fenêtre et Verne s'est raclé la gorge. « Regarde-le », a-t-il dit. Verne fumait en recueillant sa cendre au creux de sa paume et en s'écartant de la fenêtre chaque fois qu'il tirait sur sa cigarette. Verne fume tout le temps. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. Même qu'il dort avec un cendrier à 10 centimètres de sa tête. La nuit, je dors pas. Il se réveille et il fume. « Nom de Dieu !» a fait Verne. « Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas ?» lui ai-je demandé au bout d'un moment. Accroupi sur le sol, nos têtes dépassant à peine du bord de la fenêtre, on observait un homme qui s'était posté dehors pour reluquer l'intérieur de sa propre chambre à coucher. « Ça, justement, » a dit Verne. Il s'est raclé la gorge tout près de mon oreille. On a poursuivi notre observation. À présent, une forme humaine se dessinait à travers le rideau. Ça devait être elle, en train de se déshabiller. Mais j'avais beau m'échiner à regarder, je ne distinguais pas les détails. Verne avait gardé ses lunettes, si bien qu'il voyait tout beaucoup plus nettement que moi. Soudain, le rideau s'est ouvert et la femme a tourné le dos à la fenêtre. « Qu'est-ce qu'elle fait ? » ai-je demandé. Ce qu'elle faisait, je le savais très bien. « Nom de Dieu !» a dit Verne. « Qu'est-ce qu'elle fait, Verne ?»« Ben, elle se déshabille, tiens !» a dit Verne. « Qu'est-ce que tu croyais ?» Là-dessus, la lumière de la chambre s'est éteinte et l'homme a longé le flanc de la maison en sens inverse. Il a tiré la porte à treillis et il s'est glissé à l'intérieur. Quelques instants plus tard, les autres lumières se sont éteintes aussi. Verne a toussé 1 fois, 2 fois, et il a secoué la tête. J'ai rallumé et il est resté là, assis sur ses talons. Au bout d'un moment, il s'est relevé et il a allumé une cigarette. Un de ces jours, je lui dirai ma façon de penser à cette traînée, ai-je déclaré en posant les yeux sur Verne. Il s'est plus ou moins esclaffé. Je ne blague pas, ai-je dit. Un jour, je la croiserai au supermarché et je lui dirai son fait. À ta place, je m'en abstiendrai, a dit Verne. À quoi ça t'avancerait, hein? Mais je voyais bien qu'il ne me prenait pas au sérieux. Il a froncé les sourcils et il s'est examiné les ongles. Il a fait tourner sa langue dans sa bouche et il a plissé les yeux comme il fait toujours quand il se concentre. Puis il a changé d'expression et il s'est gratté le menton. « Non, tu n'irais pas faire une chose pareille, » a-t-il dit. « Tu verras, » ai-je dit. « Merde, » a dit Verne. Je l'ai suivi dans le living. On avait les nerfs à vif. Ça nous met toujours dans cet état. Elle ne perd rien pour attendre, ai-je dit. Verne a écrasé sa cigarette dans le grand cendrier. Debout à côté de son fauteuil en cuir, il s'est abîmé un court moment dans la contemplation du poste de télé. « Il n'y a jamais rien à la télé, » a-t-il dit. Ensuite, Tout en allumant une nouvelle cigarette, il a ajouté quelque chose. « Peut-être qu'il a trouvé le truc », a-t-il dit. « Va savoir. » « Moi, si quelqu'un vient mes pieds par la fenêtre, je le balance au flic, ai-je dit. Sauf peut-être si c'est Cary Grant. » Verne a haussé les épaules. « Va savoir », a-t-il dit. J'avais un petit creux. Je suis allée dans la cuisine, j'ai jeté un œil dans le placard et j'ai ouvert le frigo. « Verne, tu veux manger un morceau ?» ai-je crié. Il ne m'a pas répondu. J'ai entendu l'eau qui coulait dans la salle de bain. Je me suis dit qu'il voudrait sûrement quelque chose. Le soir, vers cette heure-là, la faim nous prend. On a mangé notre casse-croûte. Les noyaux d'olive et les mégots de Verne s'entassaient dans le cendrier. Quand il a eu fini, Verne a souri et il a dit « C'est quoi cette bonne odeur ?» Je me suis levée et j'ai sorti deux portions de tourte aux pommes surmontées de fromage fondu. « Hum, c'est appétissant, » a dit Verne. Un moment plus tard, il a dit « Bon, moi j'ai plus faim, je vais me coucher. »« J'arrive tout de suite, » lui ai-je dit. « Je vais débarrasser la table. » C'est en raclant les assiettes au-dessus de la poubelle que j'ai aperçu les fourmis. Un flot régulier de fourmis qui sortait de quelque part derrière la tuyauterie de l'évier escaladait le flanc de la poubelle et redescendait de l'autre côté. J'ai trouvé une bombe insecticide dans un tiroir. J'ai bien aspergé les parois et l'intérieur de la poubelle. J'ai vaporisé aussi loin que je pouvais derrière le siphon de l'évier. Ensuite, je me suis lavé les mains et j'ai procédé à une ultime inspection de la cuisine. Verne s'était endormi. Il ronflait. Dans quelques heures, il se réveillerait, il irait aux toilettes et y fumerait. La petite télé au pied du lit était allumée, mais l'image sautillait. J'aurais voulu parler des fourmis à Verne. Je me suis préparée pour le lit en prenant tout mon temps. J'ai réglé l'image et je me suis couchée. Verne faisait ses bruits habituels en dormant. J'ai regardé la télé un moment, mais c'était un débat et les parlottes, moi, j'aime pas ça. Je me suis remise à penser aux fourmis. J'ai eu vite fait d'imaginer qu'il y en avait partout dans la maison. Au lieu de réveiller Verne pour lui dire que je faisais un cauchemar, comme j'y avais d'abord songé, je me suis levée et je suis allée chercher la bombe insecticide. J'ai vérifié sous l'évier. Il ne restait plus une seule fourmi. J'ai allumé toutes les lumières, si bien que la maison baignait dans une clarté resplendissante. Et moi, je vaporisais. À la fin, j'ai levé le store de la cuisine et j'ai regardé dehors. Il était tard. J'ai entendu des branches se briser sous le vent. « Cette traînée, » ai-je dit. « En voilà une idée. » J'ai usé de termes plus crus encore. Des choses que j'aime mieux ne pas répéter. Obèse et En voilà une idée, traduit par François Lasquin, lu par Marina Moncade. Édition Mazarine. Poème lu par Lucie Harrison et Geoffrey Carré. Traduit par François Lasquin, édition de l'Olivier. Musique, Luc Arthénault. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Laurion Lancret, Marie Dupuis, Jean-Mathieu Zand. À demain pour une autre nouvelle de Raymond Carver.